Voici votre bulletin régional. Un bingo d'Inde est organisé par les chevaliers de Colomb de Hastings le 15 novembre, dès 19h, à la salle des chevaliers, au 143 rue Saint-Pierre. Le 15 novembre, de 9h à 16h, au musée d'Eaton Corner, on aura l'occasion d'apprendre à fabriquer des produits d'herboriste. Crème hydratante, baume à lèvres, etc. $70 pour la journée, matériel compris, ou $40 pour la demi-journée. Pour information, chantalboisdu99@bell.net ou jkeyman@gmail.com. Apportez votre lunch. La boîte à cadeaux de Dodswell se tiendra les 15 et 16 novembre de 10 à 17 heures au centre communautaire. Entrée libre. L'artiste peintre Anne Bergeron m'informe qu'elle sera sur place. On pourra aussi rencontrer Carole et Mario, les potiers de la poterie de Dodswell. Un Harvest Supper sera offert le 16 novembre de 16 à 18 heures au Bulwer Community Center, chemin Jordan Hill à Bulwer. $10 par adulte et $5 par enfant âgé de 6 à 12 ans. Il s'agit d'un événement bénéfice au profit du Bulwer Community Center. Le 16 novembre, dès 10h30, les chevaliers de Colomb de Courchy organiseront un brunch au profit de l'entretien des croix lumineuses. Adulte, $10. Enfant de 5 à 11 ans, $5.